parler de la religion, de l'union sacrée de notre nation, la plus respectée des institutions, approuvée par ma génération. Mon sang pourri à la gloire de la démocratie.